ensemble prier. Notre bon Père du ciel, c'est toi qui as créé tout ce que nous voyons. Et tu l'as créé avec un but bien précis. C'est de préparer une place pour celui avec lequel tu voulais avoir une relation, l'être humain. Seigneur, nous sommes privilégiés de juste de penser, de te créer l'univers pour qu'on puisse, nous, entrer en relation avec toi. Et c'est vraiment formidable de penser ça. Donc ça nous donne, Seigneur, ça nous donne à quel point c'est important pour toi, la relation que tu veux avoir avec les êtres humains. Donc on te demande de nous diriger encore cet après-midi, qu'on comprenne bien ce que tu veux nous donner comme instruction. Amen. L'auteur, Moïse. Moïse, un juif qui a été élevé chez les Égyptiens, qui a passé sa crise du démon du midi en Madian. Il a passé 40 ans chez les Madianites, ou avec Jéthro et sa famille, et un autre 40 ans dans le désert. Et c'est pendant cette période-là que, comme nous, comme tous les êtres humains, il a appris à connaître Dieu. Donc Moïse nous parle de Dieu, mais à partir de ce qu'il a appris, lui, de Dieu. Que tu l'aies appris par transmission, par tes parents, par révélation, tu l'as appris. Tu l'as appris et il l'a transmis. Et quand vous lisez aussi la Genèse, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'il voyait dans le peuple pour sentir le besoin ou vouloir leur dire ce qu'il leur dit? Donc, il y a toujours une raison en arrière qui pousse la personne à parler. Du côté de la main gauche, du côté de la main droite, Dieu a dirigé, Dieu a inspiré. Mais du côté de la main gauche, Moïse voit des choses. Et Moïse voudrait donner des réponses. Mais il ne peut pas donner les réponses qu'il n'y a pas. Donc, il faut que lui, il ait les réponses pour pouvoir dire. Et cette semaine, je relisais le passage dans la vie de Moïse, où Dieu dit à Moïse, « Monte au pays de Canaan, mais je ne monterai pas avec toi ou avec vous autres, parce que si je monte avec vous autres, je vais vous détruire. » Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là. Mais il dit, « Je vais vous détruire si je monte avec vous autres. » Là, Moïse, il commence à questionner, à poser. Il dit, « Non, si je monte avec vous autres, je vais tout vous détruire. » Je ne peux plus vous supporter. C'est drôle que Dieu dit ça de son peuple. Je ne peux plus vous supporter si je monte avec vous autres. Je vais envoyer mon ange avec vous autres. Là. On ne sait pas trop qui c'est qui l'ange, mais je vais envoyer mon ange, puis il va monter avec vous autres. Puis Moïse, il dit, non, si tu ne montes pas avec nous autres, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller au pays de Canaan. Finalement, Dieu, il décide de céder à Moïse. Puis là, Moïse, aussitôt qu'il dit, « OK, je vais monter. » Et là, Moïse dit, « Montre-moi ta gloire. » C'est la réponse qu'il fait tout de suite, « Montre-moi ta gloire. » Et Dieu lui montre sa gloire en le mettant dans une craque d'un rocher. Puis il met sa main devant la face de Moïse, pour pas que Moïse voit la face de Dieu. Puis là, il passe, puis il laisse Moïse voir le dos. L'image, Dieu n'a pas de dos, là, c'est l'image. Mais Dieu commence à crier. Dieu commence à crier des attributs qu'il a. Et tous les attributs qu'il nomme, c'est les attributs qu'il a besoin pour monter avec le peuple au pays Canaan. Compassion, miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. Il ne parle pas de sa sainteté, il ne parle pas de la justice, il ne parle pas de sa colère. Il faut juste nommer les attributs qu'il a besoin d'exercer pour supporter le peuple d'Israël. C'est vraiment de supporter, je dis bien le mot, de supporter ou d'endurer le peuple. De dire, je me retiens parce que je voudrais vous détruire. Tellement vous êtes loin de ce que je voudrais que vous soyez. Donc, c'est vraiment la perception que Dieu a de la race humaine, il faut qu'elle soit juste dans notre tête. Ce n'est pas des petits anges qui voient. C'est dans Exode, ça. C'est dans Exode, à la fin du livre de l'Exode. Donc, c'est quelque chose qui me fascine de voir comment Moïse a appris à connaître Dieu. Parce que là, cette fois-là, dans cette vision-là de Dieu, de ce de ce dialogue avec Dieu, il apprend à connaître Dieu. Il apprend à connaître à quel point Dieu est exigeant, parce que je vais vous détruire si je monte avec vous autres. Puis en même temps, il est capable de voir la grâce et le pardon de Dieu qui finalement monte avec eux autres et les accompagne jusqu'au pays de Canaan. Donc c'est vraiment un Moïse qui apprend et qui transmet. Qui apprend et qui transmet. Je crois que c'est quand on était étudiant, nos professeurs nous disaient, quand vous apprenez avec nous autres, on vous encourage à transmettre le plus vite possible, vous allez retenir plus. Donc, si vous étudiez avec nous autres, mettons l'Épître aux Romains, enseignez l'Épître aux Romains en même temps à l'Église, ce que vous travaillez, ça va vous permettre de retenir mieux l'Épître aux Romains. C'est que juste l'apprendre. Donc ça, c'est une vérité, je l'ai expérimenté aussi, là. C'est quelque chose de fascinant. Donc ce peuple-là, ce Moïse-là, lui, il voit un peuple qui rebelle, un peuple qui connaît mal Dieu, un peuple qui voit Dieu, mais d'une façon, à travers une espèce de nuage, ils ne connaissent pas bien Dieu, et ils sont complètement, constamment en train de murmurer contre Dieu. Et on va dire, ils voient Dieu comme étant une espèce de Dieu qui est là pour pourvoir ses besoins. Ils sont écœurés de manger de la manne, ils demandent de la viande, Dieu va donner des cailles. Après ça, ils ont de l'eau, puis là, Dieu va donner de l'eau. Puis là, ils sont toujours en train de quémander à Dieu. Et Dieu continue à le faire, il continue à leur donner à manger, il continue à leur donner. Mais en même temps, si vous lisez les 40 ans, il y a eu des périodes difficiles, des périodes où les gens étaient détruits par Dieu, dès qu'ils sont morts, dans la colère de Dieu pendant qu'ils étaient là. Il s'est passé des choses pendant les 40 ans où est-ce que Dieu a manifesté aussi sa personne. Il faut faire attention que le Dieu qu'on a dans notre tête, c'est vraiment le Dieu des Écritures. C'est pas le Dieu du catholicisme, c'est pas le Dieu de l'école, du catéchisme qu'on a appris. C'est vraiment le Dieu des Écritures. Et le Dieu des Écritures n'est pas comme on le pense. Notre imagination peut nous jouer des tours. On a tendance à se faire une image de Dieu comme on voudrait l'avoir, comme on aimerait qu'il soit. Dieu dit non, fais-toi pas d'image de moi, je vais te dire qui je suis, accepte-moi. Accepte-moi comme je suis. C'est moi qui vais te dire comment je suis. Parce que c'est une des choses qui m'a convaincu que le Dieu de la Bible était le vrai Dieu, c'est que l'être humain ne peut pas s'imaginer un tel Dieu. Quand vous regardez les dieux que les êtres humains ont inventés, c'est juste des super-humains. C'est juste des super-humains. Des super-humains. C'est des plus gros, plus forts, plus beaux, n'importe quoi. Mais, mais le Dieu qui se révèle dans la Bible, on n'est même pas capable, nous autres, de penser que ça pourrait exister. Un Dieu qui est omniprésent. Quel être humain va penser quelque chose de même? Le Dieu, là, je vais inventer un Dieu, il est omniprésent, puis il est omniscient, puis il est omnipotent. Puis... Ça veut dire, mais t'es fou, là, ça n'existe pas un être de même. Là. Puis on le croit, parce que c'est la seule chose, c'est lui qui nous l'a dit. Puis quand, à coup qu'il nous l'a dit, c'est la seule chose qui fait du sens. C'est la seule chose qui fait du sens dans le monde dans lequel on vit. Donc, on va essayer de lire le chapitre 2 en disant, mais le peuple qui reçoit, le livre, pourquoi est-ce que Moïse croit qu'ils ont besoin d'entendre ça? Comme aujourd'hui, on va parler surtout de la création de l'être humain, mais pourquoi est-ce que le peuple a besoin de savoir ça? Pourquoi Moïse croit que le peuple a besoin de savoir? Quand on a lu le chapitre 1, on a vu que Dieu s'est présenté comme le Dieu unique de l'univers. Dans quasiment tous les mouvements religieux du monde, il y a plusieurs dieux. Okay? La majorité des religions de ce monde sont polythéistes. Donc, il y a plusieurs dieux. Le christianisme est un des rares qui a juste un dieu. Donc il dit, j'ai tout créé, c'est moi qui ai établi les normes, les règles, comment ça va se gérer. Je suis un dieu unique. Vous ne pouvez pas avoir un Dieu qui est le Dieu de la mer, j'ai créé la mer. Vous ne pouvez pas avoir un Dieu qui est le Dieu des animaux, j'ai créé les animaux. C'est moi qui ai déterminé comment ça fonctionnerait. Donc, il n'y a pas d'autres personnages qui peuvent intervenir dans ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai établi que la Terre tournerait, puis elle ferait un tour dans 24 heures. Mais il n'y en a pas d'autres qui peuvent l'arrêter ou la faire changer de direction. C'est moi qui l'ai établi. Donc, de croire qu'on a un Dieu unique, mais vous avez vu dans vos Bibles toute la forme d'idolâtrie, on parle partout, que Paul va parler, vous avez des dieux. Vous avez des dieux dans tous les coins d'eux, il dit ici à Athènes. Vous avez des dieux tellement dieux que vous n'avez un dieu inconnu. Donc, la tendance des êtres humains, c'est s'inventer des dieux. Ou de transformer la révélation. On va prendre le Dieu et on le transforme. On le change un peu, on l'adapte à nous autres. Et si c'était souvent le problème avec Israël, ils prenaient le Dieu qu'on avait connu d'Abraham, de Moïse, puis ils le transformaient, ils changeaient ce Dieu-là, ils l'adaptaient à leur façon de voir les choses. Donc, le chapitre 1 nous dit ça, le chapitre 2 revient. Au verset 4, on va commencer 2-4, parce que les autres trois versets, on les a vus avec la semaine passée. Il recommence en disant, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. On dirait qu'il recommence. Il recommence à parler, mais cette fois-ci, on va le lire, le verset 4, on va lire tout le chapitre, et vous essayez de me dire, c'est quoi le sujet du chapitre? C'est quoi le sujet du chapitre 2? Deux parties du verset 4, jusqu'à la fin. On va commencer avec Michel, on va lire à partir du verset 4 jusqu'à la fin du chapitre, chacun des versets. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme cultivé le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. Un or de qualité ainsi que la résine parfumée de Bethléem et la pierre précieuse de Cornaline. Le second bras du fleuve était le Gihon, qui fait le tour du pays de Cush. Le septième fleuve s'appelait le Tigre, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate, c'est l'Éternel. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os ou de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Il s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Quel est le sujet de ce chapitre-là? Moi, je crois que c'est l'homme et la femme. L'homme et la femme. L'homme et la femme, ou de l'homme. Au début, il parle beaucoup de l'homme et de la femme. Oui, c'est peut-être. Le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Quel est le mot qui revient le plus souvent du verset 4 au verset 25? C'est Dieu, tu veux? Non. C'est le mot homme. Ici, on va parler de l'homme, pas de la race humaine. On parle de l'homme, l'homme, le masculin. On parle de l'homme. Tout le texte est consacré à l'homme, non pas à la femme. La femme, elle va avoir juste trois fois le mot femme dedans. Puis la femme va être nommée à cause de l'homme. Si l'homme ne sera pas là, on ne parlera pas de la femme dans ce texte-là. Mais la femme va apparaître dans le texte parce que c'est un besoin pour l'homme, pour rencontrer un besoin que l'homme a. Donc, le texte nous parle de l'homme. Le mot homme revient 18 fois. Et le mot Dieu revient, je pense, 11 fois. Donc, c'est quand on fait ça, des fois, des petits calculs, mais ça nous aide à comprendre le sujet d'un chapitre. Donc, on va parler de l'homme. Pourquoi c'est si important que Moïse parle au peuple que comment Dieu a créé l'homme, quel but, qu'est-ce qui s'est passé, tout cela. Donc, dans cette création de l'homme, Dieu est en train de vouloir nous dire de quoi. Et je l'ai souvent, vous l'ai déjà dit, pourquoi il ne les a pas créés en même temps? Pourquoi il ne les a pas créés de la même façon? Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas fait? Il veut nous dire quelque chose, il veut nous parler d'une façon quelconque. Donc, quand on lit chapitre 1, on a l'impression qu'il est créé en même temps. Et Dieu créa l'homme et la femme, il les a établis en même temps. On a l'impression qu'il les fait en même temps. Mais le chapitre 2 nous dit non, ça ne s'est pas passé en même temps. Ça s'est passé sur une période de temps. On ne sait pas combien de temps entre la création de l'homme et la création de la femme. On ne sait pas combien, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais ce n'est pas fait en même temps. Et pas de la même manière. Il veut nous dire quelque chose avec ça. Et je sais que ce qu'on va voir, ce qu'on va dire, va rentrer en conflit avec notre culture, va rentrer en conflit avec notre génération, avec notre façon de percevoir. Tu lis ça, ce chapitre-là, dans une université McGill, puis tu te mets en porte. C'est sûr et certain. Tu te mets en porte. C'était tellement contradictoire avec la pensée de notre génération que les gens ne peuvent pas l'accepter. Je parlais cette semaine avec quelqu'un, et en parlant, la fille a passé, puis quand on lisait ça, elle nous a regardé, on a dit, de quoi qu'ils parlent les autres là? Sont où les vieux là? Parce que c'est tellement contraire à ce qu'ils entendent à l'école, c'est tellement contraire à ce que les médias disent, mais la pensée que Dieu, Moïse ici, a une intention, nous amène à comprendre le Dieu. Parce que tout ce qu'on sait, c'est que Dieu, quand il fait quelque chose, c'est pas qu'on le connaisse, lui, qu'on le comprenne mieux. Donc, la première chose qu'on voit, on va voir en fonction de l'homme. Donc, ne vous surprenez pas, on va parler de ça après-midi. C'est pas une question de grandeur ou d'importance. Essayez de voir Dieu derrière, non pas juste voir, ça contredit mes pensées, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je veux. Mais c'est le but, c'est qu'est-ce que j'apprends de Dieu en gardant ça? OK? Donc, voici l'origine des cieux et la terre. Quand on a lu chapitre 1, la dernière chose à être créée, ça semblait être l'homme. Dans chapitre 1. Mais ici, ça ne semble pas être l'homme, le dernier à être créé. On a l'impression que l'homme vient en premier. Parce qu'il va faire l'homme, après ça, il va faire les arbres. Puis tu vois, il a changé de direction. Donc, l'auteur est en train de nous parler de la raison d'être. Chapitre verset 5 jusqu'au verset 6, il dit, « Avant la création de l'homme, » moi j'ai marqué dans mes notes, « L'homme et sa primauté, l'homme et sa prééminence, l'homme c'est la cerise sur le sundae de la création. » La création, c'est la raison. La raison de la création, c'est l'homme. Il va dire, il n'y avait pas d'arbustes, il n'y avait pas rien sur la terre, il n'y avait aucune herbe dans les champs, ne germait encore. car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. La raison pourquoi il n'y avait rien, c'est qu'il n'y avait pas d'homme sur la terre pour cultiver le sol. Il n'y en avait pas. Donc Dieu dit, je n'ai pas de raison d'avoir une terre, je n'ai pas de raison d'avoir un jardin, en guillemets, s'il n'y a pas de jardinier. Ça va prendre, quelque chose. Si je vais faire tout ce que je vais créer, c'est parce que j'ai l'intention de mettre l'homme dessus. Là, je vais parler l'homme, je parle de l'homme, je ne parle pas de la race humaine. Regardez bien ça, vous allez avoir de la misère à me suivre. Il ne parle pas de la femme ici, il parle juste de l'homme. Okay? Donc, si vous pensez qu'il parle de la race humaine, ou de façon générique, vous allez avoir de la misère à comprendre l'ensemble du texte. Okay? Donc, parce que tout à l'heure, il va parler de l'homme, il dit quoi? C'est pas bon que l'homme soit seul. Là, on va dire encore, il parle plus générique, il parle juste de l'homme masculin. Okay? Quand il parle ici, il parle de l'homme. Okay? Donc, mettez-vous ça dans votre esprit. Donc, il n'y avait pas de point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et rasa toute la surface du sol. Donc, Dieu décide, bon, il faut que je fasse un homme, il faut que je crée l'homme. Donc, il dit, je vais envoyer de la pluie, bon, fait que ça va pousser. Puis là, il va dire, au verset 7, je vais initier, je vais créer l'homme. Puis au verset 8, il va dire, Dieu planta un jardin. Donc, on a l'impression que le jardin vient en deuxième. Mais je ne crois pas que c'est contradictoire avec le chapitre 1. C'est juste nous faire ressortir. L'homme, c'est la raison d'être de la création. C'est la raison d'être. Que tu le mettes dans le chapitre 1 ou tu le mettes dans le chapitre 2, l'homme, c'est la raison d'être de tout ce que Dieu a fait. Et là, Dieu, au verset 7, va créer l'homme. Et là, ça devient intéressant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Qu'est-ce que Dieu a fait ici? Qu'est-ce qu'il veut dire? As-tu juste créé comme il a créé les animaux? Qu'est-ce qu'il veut dire par « il souffla dans ses narines » Il n'y a plus de la terre, mais vous savez qu'on va voir un peu plus bas que tous les animaux ont été créés à partir de la terre. Les animaux sont aussi créés à partir de la terre. L'être humain aussi, mais il fait quelque chose de plus. Il souffle dans les narines un souffle de vie. Et l'homme va devenir un âme vivante ou un être vivant. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Qu'est-ce que Dieu a fait de spécial? Qu'est-ce que Dieu est en train de passer comme message en faisant ça? C'est comme s'il est en train de mettre un esprit, un âme. Le mot souffle, là, c'est un souffle de vie. Il devient un être vivant ou un âme vivant. Il devient vivant. Les animaux sont devenus vivants. Non, mais il n'y a pas soufflé. Hein? Il n'y a pas soufflé. Non, mais c'est quoi qui. Parce qu'ils sont vivants. L'être humain devient vivant, mais c'est-tu juste vivant ou c'est plus que vivant dans le sens que. C'est plus que vivant. C'est qu'est-ce que tu es en train de dire, là? C'est comme si c'est une relation avec Dieu. Ah, avec lui, éternel. Ça, la relation, ça va être le résultat de ce qu'il fait là. Okay. Okay. Qu'est-ce qu'il a fait là, là? Là, je parle du geste. Parce qu'il souffre de quoi, là? Il a insufflé de sa nature. Voir, il souffre de sa personne en lui. Il met en homme une partie de lui, quelque chose qui vient de lui, il le met dans l'homme. Ce qu'il n'a pas fait avec les animaux. Il n'a pas mis dans les animaux une partie de lui. Il souffre un souffle de vie. Ou un esprit de vie, ou une partie de lui qui va sortir, ça sort de Dieu. Ici, on est en image. Mais quand je souffle, là, ça sort de moi. Ça s'en va vers. L'autre est récepteur. Viens, on va dire, explique-toi. Je dis un souffle vital. Vital, ça veut dire, c'est la vie que tu respires. La vie humaine seulement. Ouais. Corporelle, OK? Là, ce que tu apportes, c'est... Pour moi, là, c'est extrapolé. OK. Donc, c'est pour ça que je dis. Pour moi, là. OK. Moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que c'est juste de la vie, mais il n'a pas soufflé dans les autres animaux pour qu'ils deviennent vivants? Oui, mais s'il ne l'a pas mentionné, c'est parce que ce n'est pas nécessaire qu'on de le mentionner. Qui avait soufflé dans les autres animaux. Ouais, okay. C'est parce qu'on est différent des animaux. Oui, mais c'est pas bien. Je comprends ce que tu veux dire. Mais qu'est-ce qui va nous amener à voir qui a le plus, le souffle vital, comme tu dis, qui amène l'homme à devenir un âme vivant. Toi, t'as-tu ça le mot âme vivante? Dans l'instant après? Un être vivant. Un être vivant. Donc il a mis la vie juste pour qu'il devienne un être vivant. C'est ce que j'en suis. OK, donc. Ce qu'on peut faire, mettons, un parallèle avec quand Dieu dit créons l'homme à notre image, c'est en soufflant, et c'est devenu comme une image de Dieu que Dieu met dans l'homme, non? Oui, on pourrait penser ça. Mais on va voir que ce geste-là qu'il fait ici, qu'il aurait peut-être fait, selon Yvon, peut-être avec tous les animaux, puis il n'y a pas dit, ils sont devenus un être. C'est juste un être vivant. Sans. Pour l'instant. Oui. Ouais. Mais la façon qu'il va agir envers cet être vivant-là va être bien différente des autres. Ça, okay? OK? Donc, ça, si moi je te dis, il a fait la même chose qu'avec la vache, mais il ne parle pas avec la vache, il parle juste avec l'autre. Ah, OK, as-tu fait quelque chose de différent? OK, donc, comment... Parce que le mot, le souffle de vie, si je dis c'est juste physique, Dieu devrait agir envers cet être-là, comme il a agi avec les autres animaux, s'il a fait la même chose avec les autres animaux. Mais on sait qu'il a fait quelque chose de plus, parce qu'il va agir de façon différente. Il va agir de façon différente. Donc, pour moi, ici, le souffle de vie va plus loin que juste physique. C'est pour ça que dans ma Bible, ils ont mis le mot âme, qui est un petit peu différent, mais le mot être est correct aussi. Donc, le mot vivant. Excuse-moi, le mot être, c'est quoi ça? Ben, je suis en train de me dire, tu sais, quand on étudie les animaux vivants, tu vas dire ça, c'est vivant, c'est. Mettons un chien, c'est vivant, mais c'est-tu un être vivant? Ça, un chien, non. Les traducteurs ont marqué le mot âme vivant. Ça semble donner un autre petit indice que le mot être, mais le mot dans l'original pourrait être traduit être aussi. Mais pour les animaux? Non. C'est sûr que le mot être. C'est parce que ce qui me fait dire ça, c'est dans les cours à l'école chrétienne, dans le temps, là, on apprenait aux enfants là, être vivant. Puis tu pouvais être un être vivant mort même, mais c'est parce que tu faisais partie de la race des vivants, tu n'étais pas comme une roche. Puis dans ça, ça incluait les animaux, les âmes, oui, qui étaient vivants. Donc, le mot être, il englobe... Si on dit que c'est juste un être ou une personne vivante, parce qu'il semble que... C'est comme on a l'impression que Dieu a fait un mannequin. Tu sais, un mannequin dans la vitrine, qui n'a pas de vie, avec de la terre, de l'argile. Là, en soufflant dessus, il commence à bouger, il commence à vivre. Okay? On pourrait avoir cette impression-là, que ce sera juste ça qu'il a fait. Mais dans notre contexte, ça va pas faire. Parce que là, il va entreprendre avec ce personnage-là quelque chose de différent. Parce que l'être vivant, juste en tant qu'être vivant, de matière, ne peut pas entrer en relation avec Dieu. La matière ne peut pas rentrer en relation avec Dieu. Si c'est juste de la matière, on ne peut pas rentrer. La matière ne peut pas rentrer. Ça va y prendre quelque chose de plus à l'être humain pour pouvoir rentrer avec le monde invisible. Parce que le Dieu qui va s'adresser à lui est dans un autre monde, un monde invisible. La vache, elle ne peut pas le voir, elle ne peut pas y parler, parce qu'elle ne sait pas qu'il existe, parce qu'elle sait pas... Mais c'est un être vivant. La vache ou les animaux, c'est des êtres vivants aussi, ou si on veut dire ici, des personnes vivantes. Mais moi, je vois que la réaction qu'il va faire avec cet homme-là, ça va dire, oh, il a fait quelque chose de spécial avec lui, parce qu'il entre, il y parle. Puis il comprend. Puis il semble croire que... Hier, on était assis, on était chez Rebecca, en train de c'était avant le dîner, c'était avant le dîner. Non, on était en train de dîner, puis le petit Nico, il dit, « Comment est-ce qu'on peut croire à quelque chose qu'on ne voit pas? » Comment est-ce qu'on peut croire à quelque chose qu'on ne voit pas? Là, son père essaie d'expliquer, tu sais, mais tu vois pas de l'air, puis tu sais qu'il y en a de l'air, là, tu sais, tu crois qu'il y a de l'air, mais tu la vois pas, tu sais, tu crois qu'il y a des microbes, tu les vois pas, ben, si je prends un microscope, je vais voir, là, puis si je prends des instruments, je vais voir de l'air, je vais voir que du H2, je vais voir, on peut voir, pas mes yeux, mais je peux voir, si je prends un microscope ou un télescope, je peux voir. Il y avait une discussion intéressante, tout le monde essaie de donner un peu une explication, puis j'ai... Moi, dans ma tête, c'était L'être humain a été créé d'une façon telle qu'il n'y a pas besoin de voir. Dieu a mis quelque chose en moi que je sais qu'il y a quelque chose d'invisible qui existe. J'ai été créé comme ça. J'ai été créé avec, comme l'autre va dire, avec la pensée de l'éternité ou à la pensée de la divinité. C'est pour ça que les êtres humains, depuis tout le temps, ils vont s'en inventer des dieux. Parce qu'ils savent, l'être humain sait qu'il y a quelque chose qui existe depuis grand que lui. Il sait. Comment il sait? C'est parce que Dieu a mis quelque chose en lui pour le savoir. C'est pour ça que les êtres humains, de quasiment toutes les générations, vont finalement croire en une espèce de Dieu invisible ou un monde invisible ou une place qui va, quand ils vont mourir, s'en va quelque part. Parce que j'ai été créé pour croire ça. Quand le péché va rentrer, ça va briser l'image. Mais je crois que quand Dieu met ici, là, moi je connais, c'est pas un peu Yvon ou les autres, quand Dieu est dans le jardin et qu'il parle avec Adam, est-ce qu'Adam voit quelque chose? Est-ce qu'Adam voit quelque chose ou s'il ne voit rien? Il parle avec le vide. Il ne peut pas le voir parce qu'il n'est pas un être vivant de voir. Donc, ça veut dire qu'il parlait-tu à un être, ça se parlait-tu juste dans leur tête? S'il se parlait-tu juste en télépathie? Ou s'il entendait la voix de Dieu, mais il ne voyait rien? Pas facile à définir clair. Donc, mais une chose est certaine, c'est qu'Adam n'est pas surpris par le fait que Dieu lui parle. C'est ce qu'on voit dans le texte. Dieu se met à lui parler. Oh oui, puis il répond. Comme s'il parlait à sa femme au côté. Il parle avec Dieu. Il y a dans l'être humain, j'ai été créé, je crois que c'est le verset 7 qui fait ça ici, j'ai été créé avec, je vais donner à toi quelque chose de spécial qui va te permettre de parler avec moi, de croire que j'existe, même si tu ne me vois pas dans tes yeux, avec tes yeux de la chair. Ça me prend autre chose pour croire que Dieu existe. La chair, les os, le sang ne peuvent pas croire. Ne peuvent pas croire. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire plus loin, si l'Esprit de Dieu ne vous aide pas avec votre esprit pour comprendre de Dieu, vous ne comprendrez jamais, vous ne saurez jamais rien. Parce que l'être humain, dans sa nature de matière, de calcium et de fer et tout ce que tu voudras, les os, un os, de la viande, du sang, même une intelligence ne peut pas communiquer avec Dieu. Il ne peut pas. C'est impossible. Donc, il faut que Dieu fasse de quoi de spécial pour que la race humaine ou les êtres humains, à travers toute leur histoire, cherchent quelque chose qu'ils ne voient pas. Cherchent. Tu sais, l'Ecclésiaste, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, la pensée de la divinité, la pensée qu'il y a quelque chose qui existe plus grand que nous. Donc, c'est pour ça que quand on regarde, quand l'apôtre Paul va dire, quand je regarde la nature, je vais comprendre. Je vais même saisir le fait qu'il y a quelque chose de plus grand qui a créé ça. Je vais venir à la conviction, il y a quelqu'un qui a créé ça, quelque chose de plus grand que moi. La vache ne pense pas comme ça, les animaux ne pensent pas, il n'y a rien de matière, c'est juste l'être humain qui a été créé pour ça, comme ça. Et ça, pour moi, ça me met à part de la création. Dieu va avoir une relation avec l'être humain qu'il va créer de façon très particulière qu'il n'y a pas avec le restant de la création. Il n'y en aura jamais d'autre avec la création. La création, ça, il n'est pas mort pour les vaches, puis il n'est pas mort. Il va mourir juste pour les êtres humains. Donc, selon moi, c'est un souffle de vie. C'est une partie de Dieu qui va souffler en lui pour le rendre, si j'emploie l'expression, pour le rendre semblable. Le rendre semblable. Dans le sens, j'ai besoin de donner quelque chose à toi pour que toi, tu puisses communiquer avec moi. Si je ne fais pas ça, tu ne pourras pas communiquer avec moi. Okay? Donc ça, c'est ma perception. Le restant du texte va nous amener à voir que Dieu va rentrer en communication avec cet être-là qui vient de créer. Il rentre en relation avec l'homme, ce qu'il n'a jamais fait avec tous les autres animaux, tous les arbres, tout ce que tu veux, les planètes, les villes, les étoiles. Il ne rentre pas. Mais ici, il va rentrer en relation avec cet être qui vient de souffler sur lui. Il va rentrer en relation avec. Il va lui parler. C'est des choses que je me demande si dans le ciel, je vais avoir le droit de poser des questions. Si j'ai le droit, j'en ai pour un couple de siècles avec des questions. Qu'est-ce que c'est quoi que tu as fait? Comment il communiquait? Il te voyait-tu? Puis comment tu parlais? Puis il te entends-tu? C'était-tu de la télépathie? C'est comme une chef. C'était-tu de la télépathie? Comment tu communiquais là, avec Moïse? Est-ce que les gens qui étaient dans la tente aux côtés entendaient Dieu parler avec Moïse? Tu sais, quand Moïse entrait dans sa tente d'assignation, il parlait avec Dieu. Est-ce que tout le monde entendait dans le camp aussi? Il n'y a personne qui entendait. Non, c'est des questions de Dieu, il n'y a pas de réponse. Donc, quand que Dieu a créé l'homme, là, Dieu dit, Dieu plante un jardin en Éden du côté de l'Orient. Moi, j'appelle ça, l'habitation de l'homme. L'homme, Dieu lui fait une habitation. Il crée un jardin à l'Orient de ce qu'eux sont, probablement, dans le désert, à l'est d'eux autres. Et il met l'homme qu'il avait formé. Il met l'homme dans ce jardin-là. Vous vous souvenez toujours, l'homme est seul. L'homme est seul, il n'y a pas personne d'autre, il est seul. Là. Dieu fait un jardin, prend l'homme qu'il a créé, puis il met dedans. Puis l'Éternel, au verset 9, l'Éternel, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et à manger. Donc, il fait de la nourriture, il fait l'arbre de vie, puis il fait l'arbre de reconnaissance du bien et du mal. Ça, c'est l'habitation de l'être humain, que Dieu de l'homme que Dieu vient de créer. Puis là, au verset 10 jusqu'au verset 14, il se met à nommer des fleuves. Un fleuve qui se divise en quatre moyens fleuves, ou quatre rivières, je ne sais pas. C'est des fleuves, mais moins gros. Mais pourquoi, je me suis posé la question, c'est-tu juste pour le localiser? Parce que quand il emploie là, les termes que là, les villes, là, ça n'existait pas ça, quand Daniel était là. Mais lui, Moïse, il veut décrire, je crois, en partie, au peuple d'Israël, où est-ce que le jardin était. Donc, il va prendre des noms qu'eux autres connaissent. Donc, c'était à l'Orient de Syrie, c'était pas loin du fleuve Euphrate, c'était pas loin du Tigre, c'était pas loin de ça. Donc, il situe géographiquement le fleuve avec des termes qu'eux autres comprennent, puis qu'eux autres... Souvenez-vous, là, quand Moïse est là, il écrit sur dans le désert, combien d'années après Adam et Ève? Entre Adam et Ève et Moïse, c'est passé combien d'années? 1500, 2000 années au moins, pas loin de ça, de 2000 ans. Donc, il y a des villes établies, là. Il y a l'Égypte a existé, là. Puis, il y avait des... Donc, c'est pas que ces noms-là, Dieu a donné des noms aux fleuves, c'est que Moïse donne des noms à ces fleuves-là qui sont identifiés pour les gens. Dire, le jardin d'Éden dont je vous parle, il est là, il était là, Dieu l'a fait. C'est là qu'il a mis l'homme. Quand vous écoutez les émissions de télévision, nous disent que les premiers hommes sont apparus en Afrique. Mais c'est pas ça qu'ils disent ici. Non, mais les noms de ces fleuves-là existent-ils encore? Le deux qui existent, le tigre et l'Euphrate. Le tigre et l'Euphrate. Les deux jaunes? On ne les voit pas. Mais je crois qu'en partie, le climat a changé pour devenir plus désertique. Il y a des fleuves qui ont disparu. Donc, puis nous, on voit les déserts, on voit ces choses-là comme des effets seulement humains, le chauffement de la planète ou de n'importe quoi, donc. Mais dans la Bible, c'est marqué qu'il y a une intervention divine aussi. Dieu a dit à Israël, « Le pays que je t'ai donné où coulait le lait ou le miel, parce que tu m'as abandonné, je veux en faire un désert. » Puis quand je suis allé, 2000 ans plus tard, 3000 ans plus tard, c'était un désert. Dieu dit, tu m'as abandonné, je vais faire de... Est-ce que c'est le pays Canaan qui est devenu un désert? Quand tu vois Israël aujourd'hui, qui était le pays Canaan, Israël aujourd'hui, là, si tu veux faire pousser une tomate, tu vas aller chercher de l'eau pas mal loin, puis l'emmener, puis la faire de l'irrigation, parce que ça ne pousse pas. C'est désertique. Donc, et plus... Puis quand on va arriver dans Noé, au chapitre 6, on va voir que la façon que les mecs parlent, il parle que le monde dans lequel il vit, c'est dur, c'est difficile de vivre dans ce monde-là. Il dit, pourtant, c'était le paradis, c'est quoi cette histoire-là? C'est comme ça qu'on est passé de Dieu a créé le monde, c'était très bon, puis on arrive à l'émec, à Noé, puis c'est pas vivable. On veut être délivré de cette vie misérable qu'ils ont sur la terre. Donc, c'était loin d'être le paradis, là. Donc, il y a eu la malédiction de Dieu sur la terre, la matière affecte son fonctionnement. C'est pas qu'il va dire à Adam plus loin, à partir de maintenant, tu vas piocher, mais tu vas piocher bien plus longtemps pour avoir ta carotte. Tu piochais avant, mais maintenant tu vas piocher bien plus longtemps. Puis il va dire, l'autre chapitre après, il va dire à Caïn, toi, ça va être encore plus difficile pour toi, Caïn. Tu vas cultiver le sol, puis il ne te donnera plus ses richesses. Il y a une autre malédiction là-dessus. Je vais te rendre ça misérable. Ta vie va devenir misérable parce que à cause de ce que tu as fait. Donc, c'est pas. Il faut toujours penser que oui, il y a des lois que Dieu a données quand il a créé le monde, mais il est le seul qui peut intervenir dans ces lois-là et dire je vous avais donné un jardin d'Éden, mais je vais en faire un désert. Ils avaient trouvé ça difficile. Donc, c'est Dieu le seul qui a le droit de faire ça. Okay? Donc, ici, on voit, ils mettent dans le jardin, donc ils préparent des arbres pour manger, un arbre de vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal. On va essayer de comprendre, on va le comprendre mieux au chapitre 3 quand ils vont travailler là-dedans. Mais ici, pourquoi, l'intention qu'on ne va pas se poser, mais pourquoi est-ce que Dieu a mis un arbre de vie et pourquoi il a mis un arbre de mort? Je vais l'appeler ça comme ça. Adam et Ève, ou Adam, on va rester dans mon contexte d'Adam, Adam est déjà vivant, dans tous les sens du terme. OK? Si je le prends juste physique, il est déjà vivant. Si je le prends qu'il est aussi spirituellement vivant, mais pourquoi ils mettent un arbre de vie s'il est déjà vivant? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, un arbre de vie, avec quelqu'un qui est déjà vivant? Tu dis, mais... Puis on a, je ne sais pas pour vous autres, mais quand dans ma vie chrétienne passée, on a l'impression que Adam n'en a jamais mangé de cet arbre-là, quasiment. Il devait en manger tout le temps parce qu'il n'y avait pas d'interdiction. Fait qu'il en mangeait l'arbre de vie, je suis certaine de ça. OK. Mais pourquoi en manger si tu es déjà vivant? Il y a pas ça, c'est pas un arbre ordinaire, là. C'est pas juste un autre fruit, là. C'est un arbre de vie. C'est comme l'autre, c'est un arbre de mort. C'est pas juste un autre fruit, là. Ah. Si tu en manges, tu meurs. Ça se peut-tu que... On va y venir plus loin. Ah, parfait. Vas-y, dis-le. Ça se peut-tu qu'il ait été vers l'autre, l'arbre de connaissance du bien et du mal, parce que l'autre arbre, il l'avait déjà? Ah, non, oui. Ça serait pas ça? Faux. On va y venir. Mais c'est juste... Hein? Il faudrait qu'il mange de cet arbre-là pour continuer à vivre. C'est la réponse. Il fallait qu'il en mange pour rester vivant. Ben, c'est ça que je disais. D'autres, tu disais qu'il en mangeait comme toutes les autres arbres, mais ce n'était pas comme toutes les autres arbres. Il fallait qu'il en mange continuellement pour rester en vie. Spirituellement vivant. Là, OK. OK, c'est pas juste physiquement. Ces autres arbres, c'était pour rester physiquement vivant. Okay. Parce que tu n'as pas besoin de manger. Je peux manger des pommes, puis des bananes, puis des poires, puis tout ce que tu voudras. Ça me garde vivant physiquement. Mais l'arbre de vie me garda vivant spirituellement. C'est pour ça qu'ils disent que si je recule au verset 7, la vie qu'il reçoit, c'est ce genre de vie-là qu'il doit manger pour rester vivant. Ça va rejoindre ce que le Nouveau Testament dit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je dois me nourrir aussi de Dieu pour rester vivant spirituellement. Ça veut dire que cet arbre-là, les animaux, ils n'en mangent pas. Bien, je ne pourrais pas dire ça, c'est pas marqué. Mais une chose certaine, c'est qu'ils n'ont pas été créés avec le besoin de vie éternelle. Ils n'ont pas. Donc, même s'ils en mangeaient, ça ne créait pas la vie éternelle, ils n'avaient pas la vie éternelle. Ça ne donnait pas la vie éternelle, ça gardait la vie éternelle. Et on va voir quand ils vont les empêcher d'aller en manger, ça va faire plus de sens. Quand ils vont dire, empêchons l'homme maintenant d'aller en manger. Donc là, ça va faire du sens, un peu plus. Parce que si je les laisse en manger, ils vont rester vivants. Puis moi, je veux qu'ils soient morts. Moi, j'ai mis comme conséquence la mort. Si je les laisse manger de la vie, ma punition s'annule, puisqu'ils vont rester vivants. Et donc, je ne veux pas qu'ils fassent ça. Donc, moi, je vais les empêcher d'aller continuer de manger de l'arbre de vie, parce que ma punition va être réelle. Ils vont rester morts, ils vont être morts. Okay? Mais on va en reparler plus loin. Mais ça fait partie ça, de son monde à lui, là, à l'homme. L'homme, il est là, puis Dieu lui donne ce petit jardin-là, puis il dit, je veux que tu... C'était-tu marqué? Non, on ne l'a pas vu encore. Pas marqué cultiver, on ne l'a pas vu encore. Hein? Verset 15. Au verset 15, il dit, l'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin pour cultiver et pour le garder. Cultiver et garder. Fait quoi? Moi, ce n'est pas pour vous autres. Moi, je vous donne mes impressions de jeunesse. Dans ma vie de jeunesse, moi, Adam, c'était... Il se couchait, tu sais. Il n'y avait rien à faire, là. Tout était beau, tout était facile. La vie était belle. C'était des vacances 24 heures, 7 jours. Il n'y avait rien à faire. Il t'a juste été dans... Il ne travaillait pas dans le paradis. Ça, dans ma tête, Adam, il ne travaillait pas dans le paradis. C'était... On voyait tant de mains manger de pommes, puis de bananes, puis des restes. Mais il dit ici, cultiver. Cultiver. Là, il y avait du monde qui... Les pioches. quand vous regardez les images de l'Éden, vous ne verrez jamais un homme ou une femme qui travaille. Dans toutes les images qu'on sait, qu'on a fait, qu'on voit des peintures, jamais tu vas voir un homme qui est en train de piocher. Là. Jamais. C'est pas dans notre image à nous autres. Mais ici, il dit cultiver. J'ai fait une recherche pour de savoir que c'est vraiment ce que ça donnait. Et maintenant qu'on continue à lire, on va voir que Caïn va t'appeler un cultivateur, un laboureur. Caïn. Oui, mais il a ce qu'on prend parce qu'il a empêché. Non, mais c'est-à-dire, c'est le même mot qui est utilisé ici. Ah. Donc, c'est le même mot dans le grec. Si je dis que Caïn cultivait, ça veut dire qu'il grattait et qu'il semait des légumes. Mais ça veut dire qu'Adam cultivait aussi. Donc, moi, je crois que Dieu voulait que l'être humain soit actif. Ils se sont inventés des outils. Oui, c'est ça. Ils ont commencé tranquillement à travailler à ça. Mais je crois que ça, le travail et les outils manifestent que Dieu est comme ça aussi. Dieu travaille, Dieu est actif, Dieu a de l'imagination, pas invente, là, mais il y a une forme de créativité qui sort de l'être humain. Qu'on ne voit pas, mettons, sur les animaux. Okay, on peut voir un singe prendre un bâton, passer sur une noix, là, mais ça ne va pas loin. Okay? Mais je veux juste dire, le mot cultiver ici, là, c'est pas. Il faut le prendre comme le sens cultiver. Dans l'ensemble de la Genèse, le mot cultiver, ça veut dire vraiment jardiner. Okay? C'est parce que nous autres, on lui donne la définition du travail qui est lourd, qui a plein d'inconvénients reliés au travail, mais que le travail en soi. Le travail, la Bible nous dit que c'est une bénédiction. Mais le travail ici, ce qu'il va faire, c'est que Dieu va rendre le travail difficile. Comme la femme, elle devait avoir des souffrances, mais il dit, je vais augmenter les souffrances. Donc, il n'a pas dit qu'il n'avait pas de souffrances avant. Il en avait, mais je vais augmenter tes souffrances. Et l'homme, il devait cultiver, mais tu vas cultiver, mais ça ne produira plus comme avant. Tu vas voir, tu vas falloir que tu pioches plus longtemps. Il va falloir que tu travailles plus fort pour te nourrir. Puis Caïn, il va augmenter encore pour Caïn, lui spécialement, parce qu'il a tué son frère, tout ça. Donc, il dit, maintenant, il dit, elle ne te donnerait plus ses richesses à terre. Il va falloir que tu travailles fort pour en avoir du pain à manger. Okay. Dieu augmente, parce que l'être humain, il a un lien très, très proche de la nature dans laquelle il vit. Il en a besoin de cette nature-là. Si je touche la nature, bien, je touche le bien-être de l'être humain aussi, là. Okay? Dans ce sens-là. Et pour le garder, maintenant. Oh! Pour le garder. Le garder de quoi? Dans le texte original, le mot « garder » qu'il y a là, dans l'ensemble de la Genèse, a deux sens. Ça peut avoir deux sens dans le genre. Garder comme garder les commandements, garder l'alliance, garder quelque chose. Et l'autre mot, ça peut être garder pour protéger. OK? Protéger quelqu'un. Donc, est-ce qu'il voulait dire « cultive-le et garde-le, comme je te l'ai donné, garde-le, tu sais là? » Ou s'il disait « garde-le dans le sens « protège-le ». Protège le jardin que je t'ai donné. Tu as une implication à toi pour le protéger. Là, on dit de qui, de quoi? T'as voyé vivre. De qui, de quoi? OK? Mais quand on est là, on dit de quoi qu'il va te garder? Si c'est juste garder, garde-le comme je te l'ai donné. T'sais, mais entretiens-le, garde-le de la même façon que je te l'ai donné. Donc, ça pourrait vouloir dire ça. Ou garde-le parce qu'il y a ennemi. OK? Posez pas la question. Non, pose pas la question. Quand on va continuer à lire l'histoire, on va voir l'ennemi rentrer, ce ne sera pas long. Mm-hmm. Je crois que dans le contexte de garder si Dieu a dans sa tête, Satan va venir. Mm-hmm. Satan va venir. Et c'est à toi, l'homme, que je donne l'homme la responsabilité de dire à Satan qu'il va venir, recule, sors d'ici, c'est mon monde, c'est ça que Dieu m'a donné, je le garde comme Dieu me l'a donné, moi. OK? Je le garde comme Dieu me l'a donné à moi. Toi, tu viens ici pour briser ce que Dieu a fait. Tu viens ici pour détruire ce que Dieu a fait. Moi et mon environnement. Fait qu'il dit, je crois que c'est là que ça va commencer à faire du sens. Garde-le, ce monde-là. Garde-le comme je te l'ai donné. Il va y avoir du monde qui va venir. Il va y avoir des êtres qui vont venir. Vouloir briser tout ce que j'ai fait. Et je vois dans ce sens-là un peu plus que je l'ai déjà vu dans le passé. OK? Là, j'ai appelé ça du verset 15 à verset 17, les instructions de l'homme. Cultive, garde Ensuite, il va lui donner un autre. Tu vas pouvoir manger de tous les arbres du jardin. Donc là, sous-entendu, tu as le droit de manger de l'arbre de vie parce que je ne te l'interdis pas. Mais il y en a un que je t'ai dit de ne pas manger, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, tu ne manges pas ou tu meurs. Tu ne manges pas ou tu meurs. Tu n'as pas le droit de manger de cet arbre-là. Donc, Dieu donne à l'homme des instructions. J'aimerais bien que vous compreniez. Il ne les donnera pas à la femme, il ne les a jamais données à la femme, il les a données à l'homme, les instructions. Donc l'homme, il va falloir qu'il le transmette. Il va falloir qu'il le donne. Parce qu'on va voir au chapitre 3 que la femme le sait, donc il lui a dit à la femme. Adam va y avoir dit. Mais Dieu ne l'a jamais dit à la femme. Il parle à l'homme ici. Je te donne une responsabilité, je te donne des instructions comment gérer le monde dans lequel tu es. Donc tu as le droit de manger de tout ce que je t'ai donné, mais il y en a juste un que je te ordonne, si je faisais ça même, de ne pas le manger, parce que si tu manges, tu meurs. Non, il faut qu'il mange pour être vivant, puis l'autre, il faut pas qu'il mange, pour avoir la mort, tu vas avoir la mort. Donc, je me suis posé la question, est-ce que c'est dans le fruit que Dieu avait mis quoi? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est-tu le fruit que tu, littéralement, il mangeait, puis il y avait quelque chose dans ce fruit-là qui donnait la vie, ou si c'est juste un symbole? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose dans le fruit de la connaissance du bien? Parce qu'on voit dans l'image, hein, Adam et Ève en mangent vraiment. Puis aussitôt qu'ils en mangent, les yeux se rouvrent. Donc, c'est-tu Dieu qui a regardé? Ah, ils en ont mangé. Là, je fais un petit geste pour qu'ils deviennent morts spirituellement. Ou s'il y avait dans le fruit. Ça ne fait pas une grosse différence dans notre foi, dans notre salut, de croire qu'il y avait quelque chose dans le fruit. Ou qu'il n'y en avait pas. C'est Dieu qui est intervenu. J'ai l'impression qu'il y en avait dans le fruit. Dieu avait mis quelque chose dans le fruit qui causait ça. Vous n'êtes pas obligé de penser comme ça. Mais Dieu a donné à l'être humain, l'homme ici, des instructions très précises. Comment gérer le monde dans lequel il va vivre. Donc, c'est pas quelque chose de compliqué. Quelque chose qui était difficile à comprendre. Il semble qu'Adam a compris. Ève a compris qu'elle le suit de son mari, d'Adam. Donc, et je me suis posé la question, Dieu, c'est pourtant Dieu qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a créé quelque chose qui peut donner la mort si tu en manges. Mais vous avez déjà remarqué que lui n'est pas mort. Lui, il a créé l'arbre. N'y est pas mort. Dieu a la capacité de connaître le bien et le mal et ça ne le fait pas mourir. L'être humain n'a pas été créé pour jouer avec ces deux éléments. L'être humain n'a pas été créé pour jouer avec le bien et le mal. Et si toi, tu vas jouer dans le patelin qui m'est réservé à moi, moi, l'être divin, moi, Dieu, moi, je peux travailler avec ça puis je ne meurs pas, mais toi, si tu vas jouer dans mon patelin, tu meurs. Si tu veux prendre ma place, tu veux gérer les choses à ma place, tu vas mourir. Moi, j'ai ce pouvoir-là, j'ai cette nature-là qui est capable de vivre là-dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait le mal. Mais il peut travailler avec le mal sans être, lui, affecté dans sa nature. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais Adam et Ève, eux autres, aussitôt qu'ils ont voulu commencer à vouloir connaître qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était mal, ils en sont morts. Parce qu'ils n'avaient pas été créés pour gérer ça. Et c'est pour ça que quand l'être humain se met en position de dire ça c'est bien et ça c'est mal, il manifeste justement sa mort. Il s'ingère dans le domaine de Dieu. Dieu est le seul qui peut déterminer qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal. Pas nous autres les êtres humains. Aussitôt qu'on veut s'en mêler, ça nous donne la mort. Comprenons bien que j'ai été créé pour vivre d'une telle façon. C'est comme si vous prenez un poisson, vous le sortez de l'eau, vous le mettez sous le sable, vous allez voir que ce ne sera pas long qu'il va commencer à prendre de la queue. Il va crever. Vous le sortez de son élément naturel, il a été créé pour être dans l'eau. Moi, j'ai été créé en tant qu'être humain pour faire quelque chose de très précis. Si je débordais de ça, c'était catastrophique. Dieu dit, si je te prends et je te mets en dehors de l'eau, mon tinelette, tu vas en prendre un coup, tu vas mourir. Je t'ai créé d'une telle façon que tu dois vivre à l'intérieur de ce que je t'ai donné comme règle. Si tu vis là, tu vas être heureux avec moi pour l'éternité. Mais si tu veux sortir de ce que je t'ai donné, de la façon que je t'ai créé, moi, tu vas en souffrir le restant de l'éternité. Tu vas en mourir, tu vois. Et comprenez-vous l'idée? C'est que j'ai été créé pour, d'une façon très précise. Je n'ai pas été créé là pour décider ce que je voulais, de vivre comme je voulais, puis d'aller vivre sur la lune, je suis là-bas dans la vie. Puis pas... Non, non, c'est... j'ai été créé avec un but bien précis. Dieu m'a mis dans un jardin, puis je t'ai donné là tout ce que tu as besoin pour vivre. Cultive-le, garde-le. Il y a un arbre de vie pour toi, puis un arbre de mort. Celui-là, je ne veux pas t'en... tu y touches. Et là, moi, ça rentre la question de ce que j'appelle la liberté humaine. Dieu ne veut pas être aimé sans qu'on fasse un choix de l'aimer. Dieu ne veut pas qu'on l'aime sans qu'il y ait un choix. Dieu a pris un risque. Vous allez dire, oh, il savait, là. Oui. Mais si vous êtes un enfant de 10 ans, tu peux aller vivre avec ton père ou avec moi, décide. Tu prends un choix, là. Ça se peut bien qu'il parte vivre avec le père et tu en subisses les conséquences pour le restant de ta vie, tu vas en souffrir, tu vas être malheureuse. Tu fais un gros choix, tu fais, tu fais quelque chose de très important, en lui donnant un choix, tu risques qu'il te rejette. Et ça, moi, je pensais à ça cette semaine, parce que quand quelque chose prend fin, ça donne de la valeur à cette chose-là. Mettons là, il fait soleil. Quand il pleut après, là, mais... Si le soleil revient, on apprécie le soleil parce qu'on en a été privé. Toujours, toujours le soleil, là. Mais c'est sûr, je parle comme une pêcheresse, là. Mais toujours le soleil, on ne peut pas comparer. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je ne sais pas si c'est ça que l'auteur avait ici comme idée, tout pareil. Mais ici, qu'est-ce que l'auteur est en train de dire? Ce que je vois dans le texte. Dieu met devant l'homme un choix. Tout de suite. Donc, ça veut dire que l'homme pouvait faire des choix. S'il ne pouvait pas faire de choix, il n'y avait pas d'affaire à mettre ça là. Il aurait été un robot et il aurait dit, mange pas de cet arbre-là, puis ça veut dire que cet arbre-là, je n'aurais pas mangé, ça aurait été un robot. Mais il dit, je te donne le choix. Puis c'était pas la première fois. Dieu avait donné le choix à Adam, à Satan qui va apparaître dans l'autre chapitre. Lui tout avait fait un mauvais choix à Satan. Lui tout avait fait un choix dans sa présence de Dieu. Puis il avait rejeté Dieu. Quand Dieu crée des êtres qui sont capables de communiquer avec lui, il leur donne toujours le choix. C'est ce que je vois dans les Écritures. Je te donne le choix. Tu peux manger de l'arbre de vie et rester avec moi ici, ou tu manges de l'arbre et tu meurs. Tu as un choix. Je veux que tu restes avec moi. Puis c'est pour ça que je crois à la main gauche. C'est toujours cette volonté-là de l'être humain que Dieu appelle. Donc, mettez-vous dans la tête là, des Hébreux qui vont recevoir ce message-là aussi. Le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, c'est ce Dieu-là. Là. Il nous avait donné des règles. Il nous avait donné un beau monde dans lequel à vivre, un paradis, un jardin d'Éden. Il nous avait donné à manger. Puis il nous avait demandé une chose, une affaire qu'il nous a demandé. Ne mange pas de cet arbre-là. On va voir que les Hébreux vont comprendre la race humaine a fait le contraire de ce que Dieu a demandé. C'est pas surprenant qu'on soit dans un désert maintenant. De toute éternité, Dieu savait le choix de l'homme. Parce que oui. Tout ce qui vient par après, c'est... Oui, l'omniscience de Dieu... C'est comme si on n'avait pas le choix. Si il ne me le dirait pas que j'avais le choix, je dirais, ben j'ai pas de choix. Mais il me dit que j'ai un choix. Ouais, je suis un imbécile de te donner un choix si tu n'as pas le choix. C'est dur à comprendre. C'est pas compréhensible. Non, c'est ça. Non. Moi, j'accepte les deux vérités. Je ne suis pas capable de les mettre ensemble, les deux mains. Je sais que Dieu avait tout planifié, tout orchestré. Mais en même temps, il me dit, tu as le choix, là. Je te dis, tu n'as pas à manger, tu vas mourir. Mais si je mets juste le côté de la main droite, c'est un imbécile qui dit ça. Oui, mais peut-être le choix, juste pour te montrer comment est-ce que ta tête est foquée. Mais non, elle n'était pas foquée là, à ce moment-là encore. Elle était parfaite à ce moment-là encore. Là, elle était parfaite, mais... Elle va faire le choix. Choix de devenir foquée. Elle a fait le choix, puis elle est devenue foquée. C'est ça qu'elle a fait. Il y a toujours un choix. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut accepter que hier, on a eu une discussion en faisant les bains, on s'est rendu dans la création des enfants qui mouraient avant de connaître l'Évangile, où ce qui allait, puis... Hop, là, ça, les bains, ça tournait. Là, mais on avait une discussion agréable à travers les bains. Mais de dire, là, je voyais que Rebecca avait une autre idée, puis là, tu changes, je dis, ça va avoir des discussions à avoir bientôt. Parce que les petits enfants, les jeunes filles qui étaient là, il y avait Liane, puis, les autres, ils disaient, Ben, puis, ils s'en vont tous en enfer, les enfants. Ils sont pas sauvés, les enfants. C'est quoi cette histoire-là, là? Tu sais, pour elle, c'était comme... Oui, quelle sorte de Dieu tu me présentes là, là? L'ordre se fait des amis. Oui, oui, ben c'est dans ma volonté, mais quelle sorte de Dieu tu me présentes là? Un Dieu qui est capable de prendre un petit enfant, de le mettre en enfer? J'en veux pas tout ce Dieu-là, moi, là. C'est ça que je voyais dans... Il a pas dit comme ça, là. Dans sa figure, c'est ça que je voyais, là. Hey! Tu sais, t'as tendu à être là, papy, ça n'a pas de sens, c'est méchant, ça. Voyez-vous comment c'est dit? On est comme dans notre tête, comment est-ce qu'on est? Mais dans ma tête, il faut que je fasse ressortir la liane. Puis c'est ça que j'ai dit par après. Nous avons choisi. C'est, si ton enfant va en enfer, c'est ta faute, pas la faute de Dieu. T'as mangé de l'arbre avec moi. T'as mangé de l'arbre. C'est ta faute, c'est mon enfer. Blâme pas Dieu. Blâme pas Dieu. C'est toi qui as mangé de l'arbre. Donc c'est Dieu, pas. C'est, viens pas défouler sur Dieu ton choix. Ta responsabilité, on va la mettre sur Dieu maintenant. Ah, oh, ben là, Dieu, t'es méchant si t'envoies quelqu'un d'enfant. Ben non, c'est toi qui as décidé. C'est toi qui as fait ce choix-là. Hein? On peut dire même pas de... Donc, c'est pour ça que je suis obligé d'accepter la question que j'avais un choix. Ça va loin, ça, cette histoire-là. Parce que ça, si j'avais pas de choix, je blâme Dieu. J'envoie ça sur Dieu, puis arrange-toi avec ça, Seigneur. C'est ça, je peux dire que je t'ai inconverti. Ça va mal? C'est un monde de fous? C'est ta faute, c'est toi qui as créé tout ça. Puis moi, je disais, comme vous autres, tu le savais? Tu l'as créé pareil, tu savais que ça tourne dans la merde, tu l'as fait pareil, mais c'est ta faute. C'est ce que je disais quand j'étais inconverti. Je ne croyais pas à la souveraineté et l'élection dans ce temps-là, mais pour moi, ça faisait une logique. Tu as créé une machine qui va tout croche, c'est ta faute. Jusqu'au jour que je me suis mis à lire la Bible, je me suis dit, c'est notre faute. C'est nous autres qui avons brisé la machine en mangeant de l'arbre. Et là, les genoux tombent à terre, puis je dis, Seigneur, OK, c'est ma faute. C'est maintenant que j'implore ta grâce. J'implore ta grâce, parce que c'est ma faute. Et ça, sans ça, on devient intolérant envers Dieu, on devient agressif envers Dieu, on devient même méchant envers Dieu, parce qu'on l'accuse des maux de ce monde, quand les maux, c'est notre faute à nous. Donc il dit, tu mourras certainement. Donc l'Éternel, là, on va aller dans un passage un peu plus... qui est plus du discuter. L'Éternel Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un aide semblable à lui. Combien de vos Bibles ont le mot vis-à-vis? Oui, moi j'ai. L'Éternel l'avait, toi tu l'as. As-tu d'autres Bibles qui ont le mot vis-à-vis à la place de? Une sorte de partenaire. Vis-à-vis? Une sorte de partenaire. C'est une sorte de partenaire? C'est tout mal, ça, c'est tout pas bon ça. Dans l'original, il y a juste un mot. C'est pas là, je lui ferai un aide semblable à lui, là, c'est un mot, c'est le mot semblable. Le mot semblable, c'est le mot aide. Là. Ah, c'est celle qui va aider. Quelqu'un qui aide, quelqu'un qui va aller faire quelque chose avec un autre. C'est quelqu'un qui vient accompagner un autre. C'est pas un vis-à-vis. Un aide, c'est pas un vis-à-vis, un aide. Si toi, tu as un projet que tu viens me chercher pour que je t'aide, je ne suis pas un vis-à-vis, je n'ai pas conçu de projet avec toi. Je suis juste là pour t'aider à faire ton projet. Okay? Donc, un vis-à-vis, ce n'est pas pareil comme un aide. Un vis-à-vis, c'est comme... Un vis-à-vis, c'est deux bosses dans ma tête. C'est deux bosses. Mais le texte ne dit pas ça ici. Okay? Le texte ne dit pas ça du tout. Donc, le texte veut juste dire... Puis, Dieu communique avec Adam. Il dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pas bon pour faire quoi? Pas bon pour... Moi, je dis, ça, c'est pas bon pour... Pas bon pourquoi? Pas bon pour faire la vaisselle. Bon, je vais te donner une raison pourquoi c'est pas bon. Pour que je dise que c'est pas bon, il faut que je détermine la cause. Pourquoi je dis que c'est pas bon? Qu'est-ce que l'homme dit? L'homme, c'est pas bon que tu sois seul, mais pas bon. Tu veux dire, pas bon pourquoi? C'est-tu la question, pas bon, il pourrait pas se reproduire tout seul. Là, qui donne cette idée-là. Ah, là, l'homme, il pourrait pas se reproduire, donc il ne peut pas rester tout seul. Mais tu ne penses pas que c'est ça qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire? Mais dans notre contexte, on pourrait dire, je t'ai confié la responsabilité de garder, de cultiver le jardin. C'est tout ça. Tu ne seras pas capable seul de cultiver, de garder le jardin, donc je vais donner un aide semblable qui va t'aider à faire ça. Si vous avez ça, cette idée-là, le restant du texte ne nous emmène pas dans cette direction-là. Mais on aurait la réponse quand Adam a vu l'herbe. Oui, on va le voir, il va dire quelque chose. Mais là, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme... Donc, Dieu dit, je lui ferai un être semblable à lui, quelque chose qui lui ressemble. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que l'homme lui ressemble? Qu'est-ce que Dieu a fait pour que l'homme ressemble à Dieu? Il a soufflé sur lui pour qu'il devienne semblable à lui, pour qu'il puisse communiquer avec lui. Là, l'homme, lui, il ne trouve pas. Il n'y a pas quelqu'un semblable à lui dans ce monde. Donc, il ne peut pas accomplir le plan que j'ai pour lui. Il ne peut pas accomplir ce que je voudrais qu'il fasse. Ça va y prendre un semblable. Ça va y prendre quelqu'un qui pense comme lui, qui voit les choses. Quelqu'un, c'est pour ça qu'il va dire, j'ai trouvé quelqu'un finalement semblable à moi. C'est pour ça que Dieu va emmener maintenant les animaux, il va faire passer les animaux devant Adam. Puis sa conclusion, c'est quoi? Je n'ai pas trouvé personne dans toute la création qui est semblable à moi. Il n'y a pas personne avec qui tu peux communiquer, ce moment-là. Même la plus belle gueulon, elle ne pourra pas communiquer avec lui. Si vous demandez ça aujourd'hui, il y aurait des changements dans la réponse. Parce qu'il y a beaucoup de monde que c'est plus leurs chiens qui sont leurs semblables. Oh, mais là, on repart. On vient après la chute. Un autre chapitre, ça. Après la chute. Mais vous comprenez-vous, c'est qu'il va faire passer les animaux. Puis moi, ce que j'aime ça, c'est nouveau pour moi. Je médite depuis quelques temps. Je me disais, dans tout l'univers, il n'y avait pas personne, aucune autre créature qui était semblable à l'être humain. L'être humain, je ne suis pas capable de communiquer avec personne ici, qui est créé là. Je parle avec Dieu, je communique avec Dieu, Dieu me parle, je parle, mais il n'y a pas personne dans ce que je vois, dans ce que je touche, qui peut communiquer avec moi. Dieu dit, je vais faire de quoi avec ça. Je vais faire de quoi pour ça. Et c'est là qu'il va prendre une côte. De la côte, il va faire une femme, un être semblable à lui. Il n'a jamais soufflé sur la femme. La femme, elle va avoir la même vie, et ça va devenir de l'homme. Il va prendre l'homme va se reproduire. Ce que Dieu avait mis dans l'homme, il va venir avec la côte. Puis il va faire une femme avec elle. Maintenant, elle va devenir quelqu'un qui va aussi être capable d'avoir une relation. Parce qu'on est la même espèce. Hein? Parce qu'on est la même espèce. La même. Ici, dans notre texte, c'est semblable. Quelqu'un qui est comme moi, avec qui je vais pouvoir parler. Puis quelqu'un avec qui je vais pouvoir accomplir ce que Dieu veut que je fasse. L'homme ne peut pas faire toute seule le plan de Dieu. La femme non plus, bien entendu, parce qu'elle va être emmenée pour que l'aide à faire ça. Dans ce que Dieu veut que l'être humain fasse pour Dieu, pour la gloire de Dieu, avec cette vie qu'il a donnée, l'homme ne peut pas le faire sans qu'il y ait une femme à ses côtés qui est semblable à lui. Qui est semblable. C'est le mot, c'est un être semblable. C'est le mot semblable qui est important. Qui est de la même nature que lui. Et quand il l'a eu fait, après qu'il ait fait la femme, c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, ça va marquer l'homme, la femme est sortie de l'homme. Pas l'inverse. L'homme est sorti de Dieu. Et la femme va sortir de l'homme. Donc, il y a un ordre établi par Dieu de fonctionnement. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Corinthiens, l'homme n'a pas été créé pour la femme. La femme a été créée pour l'homme. Et ça détermine des rôles. Ça détermine une façon de fonctionner. Il ne faut pas se mélanger avec ça. Il ne faut pas laisser le monde nous dire comment ça doit fonctionner. Dieu dit, j'ai pas créé l'homme pour la femme. J'ai créé la femme pour l'homme. Et ensemble, ils vont faire de quoi? Ils vont accomplir ce que je veux qu'ils accomplissent. Qu'est-ce que Dieu veut qu'ils accomplissent dans le fin fond de l'histoire? C'est pas juste fait cultiver des patates, là. Non, c'est pas juste. C'est pas juste ça. Le souffle de vie que Dieu a mis dans l'être humain a une destinée beaucoup plus grande que de cultiver des patates. Ou fait de la popote, ou bien on fait du manard, ou fait de la comptabilité, ou bien on fait de la mécanique, c'est pas beaucoup plus grand que ça. Tu n'as pas besoin de faire le souffle de vie pour ça. Le souffle de vie qui est mis dans l'être humain a une destinée beaucoup plus grande. c'est de refléter la personne de Dieu. En regardant l'homme et la femme, tu vas pouvoir connaître quelque chose de Dieu que tu ne pourrais pas faire juste en regardant un homme ou juste en regardant une femme. Qu'est-ce que l'homme qui a une relation avec Dieu? Mettons, l'homme est dans le paradis, on ne sait pas combien de temps, mais il communique avec Dieu, il parle avec Dieu, puis il jase avec Dieu, puis ça marche. Mais dans ça, moi, si j'arrive de l'extérieur, je regarde ça. Je vois un homme qui communique avec Dieu. Ça arrête là. Ça me dit que Dieu communique. Mais il manque quoi, là? C'est que tu peux communiquer avec moi, mais il manque de quoi? C'est pas bon. Il manque de quoi, là? Qu'est-ce qui manque, là, que je voudrais que tu comprennes? La relation entre deux êtres. Comment Dieu va faire comprendre à l'être humain qu'il est tripartite, lui, qu'il est pluriel? Avant la création de l'être humain, Dieu est en relation avec qui? S'il n'avait pas été en relation avec lui-même dans sa tripartite, Dieu n'aurait pas pu inventer les relations. Parce qu'il n'aurait pas été en relation. Il n'aurait pas su c'est quoi des relations. Prends un être divin qui est tout seul, qui n'a pas de relation à l'intérieur de lui-même, il ne peut pas savoir c'est quoi. Il ne peut pas savoir. C'est quoi une relation? Je ne sais pas, j'ai jamais vu tout ça, là. Mais lui, Dieu connaissait les relations, parce qu'il était en relation avec lui-même depuis tout le temps. Donc il dit, je vais créer un homme, pas juste un homme qui est en relation avec moi, mais un homme qui ne peut pas vivre sans relation. Comme Dieu ne pouvait pas exister avant la création du monde sans relation. Dieu dit, moi là, dans toute l'éternité, j'ai toujours été en relation. Je veux que vous compreniez ça. Ça va vous aider à comprendre comment je fonctionne. Ça va vous aider à comprendre qui je suis. Moi, je suis un être relationnel. Et l'être humain, depuis sa création, savez-vous qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche quelqu'un avec qui est en relation. C'est comme ça. Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche quelqu'un avec qui il va être en relation. Pour le glorifier et tout ça. Non. Dans son être, il a été créé comme ça. Mais ça va glorifier Dieu. Il va remercier Dieu de ça. Mais lui, là, il a été créé pour être en relation. Puis là, il ne peut pas l'être. Il est seul. Il ne peut pas l'être. Il peut l'être avec Dieu, mais il ne peut pas l'être ici-bas. Fait que Dieu dit, je vais te faire quelqu'un semblable à toi. Et là, tu pourras pas vivre sans une relation avec une autre personne. Tu vas démontrer que moi, je ne peux pas vivre sans relation non plus. Moi, j'ai besoin de relation pour vivre. Moi, ça me fascine. Comment il s'est pris pour me montrer qui il était. Il me fascine de voir, je vais faire, et les hommes et les femmes ne peuvent pas vivre sans être en relation. Puis les seuls qui s'isolent, là, qu'on essaie de voir, qui sont capables de s'isoler, là, ben, ils virent un peu fou le port du temps. Est-ce que sa relation juste avec Dieu, c'était insuffisant? Insuffisant. Pour le but que Dieu avait. OK? C'est pour le but que Dieu avait, parce que il aurait bien pu créer un homme ou un animal vivant qui s'auto-reproduit. Il aurait pu faire ça. On a des plantes qui s'auto-reproduisent, on a des choses qui... Il y a des animaux qui sont bisexués, il aurait pu faire n'importe quoi. Il n'a pas fait la femme parce que l'homme s'ennuyait. Non, non. Non. C'est non. Non. Je l'ai mignonné, ça. Non, non. Parce qu'il dit... Je veux que vous compreniez que je veux être en relation avec vous et que je vais vous créer d'une façon telle que c'est tellement important les relations là, que vous ne pourrez pas vivre sans eux. Et pour moi, l'être humain, nous autres, on veut montrer dans notre société aujourd'hui qu'on est indépendant, homme ou femme, qu'on peut vivre, qu'on n'est pas dépendant. On veut montrer qu'on est indépendant, mais ça n'existe pas. C'est du malheur. J'ai été créé pour être en relation avec quelqu'un. J'ai été créé pour être en relation avec quelqu'un. Là, on parle encore, on est avant la chute encore. Oui. Okay? Mais après la chute, on veut-tu encore être en relation? Oui. Oui, pas ça va être brisé. Ça va mal. Ça va mal à faire. Souvent, c'est qu'on va faire la même chose, mais le but n'est plus Dieu. Le but n'est plus Dieu. Là. Je veux être en relation, mais Dieu n'est plus là. Mais ici, pour Adam et Ève, le but de vouloir faire ça, ça vient du fait de la façon qu'on a été créé. Tu sais, moi, j'aimerais, je vais le voir par moi un jour, mais j'arrive au bord, mais je ne suis pas sûr. ça doit être un homme ressuscité, ça sera peut-être comme, pas comme Adam et Ève. J'aimerais donc voir à quoi ça ressemblait un homme et une femme avant la chute. Et que j'aimerais voir comment ils pouvaient se regarder et dire, penser, aucune pensée négative, aucun rien, aucune noir, aucune égoïsme, aucun orgueil, de voir cette chimie qui était là avant. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Ça a pas dû durer longtemps. Ça a dû être parfait. Donc, mais je vais dire une chose. Tant que l'ennemi ne s'est pas présenté, ça allait bien. Oui, c'est ça. Donc, on ne sait pas combien de temps. Mais tant qu'il n'y a pas eu un ennemi qui est rentré, qui est venu tenter, ça allait bien. C'est drôle qu'il y avait le droit d'aller dans le jardin pareil. Hein? Des êtres volitifs, la main gauche. Hein? La fameuse question, pourquoi il a permis qu'il rentre? Il n'a pas permis, il a voulu. Il a voulu, mm-hmm. En tout cas, il ne l'a pas arrêté, ça c'est sûr. Moi, c'était ma plainte à 15 ans. Tu aurais dû pas le laisser rentrer dans le paradis. On n'aurait pas tombé. C'est de ta faute. C'est ça que je disais tout le temps. C'est de ta faute. Si tu ne l'aurais pas laissé rentrer, on n'aurait pas tombé. Je le blâme à Dieu. C'est l'instinct humain, c'est qui fait ça. Parce que quand tu te sens comme tu es pogné, mais c'est donc le fun de trouver un coupable. Mm-hmm. Le coupable, pour moi, c'était Dieu. Mm-hmm. C'est parce qu'en même temps, là, quand le serpent, là, il n'a pas là, tenu air, putain, il m'a poussé ça dans la bouche, puis tu vas la manger, le fruit, il ne l'a pas forcé. Non, non. Elle a été séduite, elle voulait. Ouais, on va rester avec l'homme, là, encore. J'achève, là. Ben, mais ici, là, regarde bien maintenant le restant. Verset 23, l'homme dit, voici cette fois, il y a des Bibles qui disent, voici enfin les os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. N'as-tu qu'une Bible Osterval ici? Dans Osterval, il marque, quand on l'appellera femme, il marque en parenthèse, en hébreu, Isha. Parce qu'il avait prise de l'homme, ish. T'es sorti de moi, t'es isha. Ils ont ajouté une voyelle au bout pour dire. Quand, nous, en français, on ne le voit pas, le mot-là. C'est ça, mais on dirait une omelette, une femmelette. Là, c'est que le mot femme présuppose que t'es sorti de quelque chose. T'es sorti de l'homme. Donc, oublie pas ça, t'es sorti de moi, là. Donc, ça a une connotation très forte dans le plan de Dieu. Tu es sorti de moi. Donc, on va avoir quelque chose à faire ensemble, mais n'oublie pas, tu es sorti de moi. On n'est pas deux vis-à-vis. Là. Moi, je ne suis pas sorti de toi. Toi, tu es sorti de moi. Et là, ça amène une façon de comprendre ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas de comprendre qui est plus fin, qui est moins fin, qui est plus haut. Ce n'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça. Et là, verset 24, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi. Pourquoi l'homme va-t-il quitter son père et sa mère et aller chercher une femme? Parce qu'il sait que c'est pas bon qu'il soit seul. Il va partir se chercher une femme parce qu'il a besoin d'avoir quelqu'un avec qui il va vivre. C'est plus fort que lui. C'est pas un cours sur le mariage ici, là. Il est avec ses parents, il n'a pas besoin d'avoir une femme, il est avec quelqu'un. Mais tu l'as-tu essayé, pas? Non, mais là, non. Ils ont bien parlé de relation. Oui, mais ça ne se vit pas. La relation paternelle, ça n'équivaut pas. L'équivalence de la femme. Dieu n'a pas fait d'Adam un père et une mère. OK, fait qu'un homme qui parlerait avec une autre femme qui n'est pas sa femme, c'est pas pareil. Il cherche une femme. Que ce soit... Il cherche une femme. Ouais. Sa femme. Non, il cherche une femme. Puis quand il trouve cette femme-là, il la prend et il devient, lui, une seule chair avec cette femme-là. Mais la question qui veut sortir, le fait que l'homme cherche une femme démontre que c'est ça que Dieu voulait au début. Il n'est pas bon qu'il soit seul, je vais y faire une femme. Donc, l'homme, tout seul, quand il est seul, à une certaine, on dit, maturité, à un certain âge, il va partir chercher une femme. Et c'est dans l'être humain. On est fait de même. On a été créé comme ça. Et c'est pour ça qu'on le fait. Et c'est pour ça que depuis l'une des temps, le début des temps, qu'est-ce que c'est qu'on fait? C'est ça qu'on fait. Puis remarquez bien ici, je ne veux pas vous faire de la peine par ça. C'est l'homme qui va aller chercher sa femme. C'est le mandat qu'il reçoit ici. C'est l'homme qui va vouloir faire ça. C'est nouveau là, dans nos générations que c'est maintenant les femmes qui se donnent, qui veulent avoir le même droit. Puis, mais ici, dans notre contexte, c'est l'homme qui va partir se chercher une femme. Oh, je sais que j'avais un paquet d'affaires, puis d'expériences, de culture qui va tout contre ça. Mais c'est, si je veux montrer ma relation avec Dieu, c'est Dieu qui est venu vers l'homme et c'est l'homme qui va aller vers la femme. Puis en psychologie, si vous avez des cours en psychologie, c'est ce qui est dit aussi en psychologie. C'est quand je n'invente rien, peut-être. La psychologie n'a rien inventé. Dans la nature de l'homme et de la femme, c'est l'homme qui va prendre le précédent en général. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe en général. Parce que c'est comme ça qu'on a été construit. Mais le péché va venir chambouler ça, je comprends. Mais ici, on est avant le péché. Et c'est pas pour rien qu'il dit, l'homme quittera son père et sa mère, et il restera chercher sa femme, va s'attacher avec elle, va devenir une seule chair. Les deux vont devenir un, les deux vont manifester que Dieu est plusieurs, et deux ou trois, puis ils font un ensemble. Il dit, maintenant, vous êtes capable de faire un. Pas un dans le sens qu'on a les mêmes goûts, les mêmes façons de penser, mais on a un dans la pensée que Dieu veut qu'on ait. On est toutes les deux en train de vouloir refléter Dieu. On a toutes les deux la pensée que Dieu est au-dessus de nous et qu'on va vivre pour lui. C'est ça que l'idée du texte ici. Donc, ici, c'est, dans le chapitre 2, c'est le sujet, c'est l'homme. L'homme, dans sa création, avec une pensée, une souffle de vie qui vient de Dieu. Donc, aussitôt qu'il l'a, il veut communiquer avec ce Dieu-là. On a le monde dans lequel Dieu a mis l'homme et les règles établies par Dieu, il les a données à l'homme. Voici, je te donne des règles à suivre. Tu vas cultiver, tu vas garder, tu vas manger ça, tu ne mangeras pas ça. Je te donne des règles pour fonctionner. Dieu dit, c'est pas bon que tu sois tout seul. Je vais te donner, je vais te faire une femme semblable à toi. Un être semblable à toi. Je vais te faire quelqu'un avec lequel tu vas pouvoir exprimer ce que je veux que tu exprimes. Mais cette idée-là, pour moi, va se refléter dans tout le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il va dire, dans Timothée. Je ne permets pas à la femme d'enseigner dans l'Église. C'est quoi les deux raisons qu'il donne? Parce qu'elle a été séduite après l'homme. Elle a été séduite. L'homme a été créé en premier. Oui. C'est ça qu'il dit. Et c'est la femme qui a péché en premier. Donc il dit, ne mélangez pas les cartes. Ce que Dieu avait fait dans Éden, ça marche encore. J'ai interdit. Respectez l'ordre que Dieu a établi. Puis il dit que c'est la même chose quand il parle dans Corinthiens 11, quand la femme, certaines femmes ont décidé d'enlever leur voix, de rejeter le fonctionnement qu'il y avait. Paul ramène la main. Dieu est la tête de Christ. Voyez-vous que même dans la Trinité, Dieu est la tête de Jésus-Christ, même s'ils sont égales, même s'ils sont Dieu toutes les trois, il y en a un qui est la tête de l'autre. Puis il dit, Jésus va être la tête de l'homme et l'homme va être la tête de la femme. Respectons l'ordre établi par Dieu. C'est quand on brise cet ordre-là et le chaos existe. C'est comme ça que ça marche. Mais ça n'a pas changé. C'est comme ça que Dieu a créé les êtres humains. Puis nous, on veut, on s'emmène en tant que société et on dit, on va changer les normes, on va changer les règles. Ça ne marche plus de même. On peut se mettre deux hommes ensemble, puis deux femmes ensemble, puis les deux femmes peuvent vivre des enfants, puis deux hommes peuvent vivre des enfants. On est capable, ouais, par là, on va chambouler toutes les règles que Dieu a établies, puis on va être heureux quand même. Dieu dit non, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme prendre un poisson pour le mettre sur le bord de la plage. Ça ne marche pas, un poisson heureux sur le bord de la plage. Un poisson est heureux dans l'eau. Et l'être humain a été créé d'une façon telle. C'est la façon que Dieu l'a créé, puis il dit, maintenant, j'ai mis des règles, comme chez tous les animaux, j'ai mis des règles aussi. Mais toi, tu as une règle de plus, la vie spirituelle. Tu es avec moi. Moi, j'ai une relation avec toi. Donc, comment est-ce que c'est, ça va se manifester? On va le voir un peu plus loin en s'en allant. Dans le Genèse, il y a quelques chapitres, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, jusqu'au chapitre 6. Si c'est pas long entre la création et le déluge, on pense 1600 ans. 1600 ans entre le déluge et Noé, à peu près. Entre la Genèse et Noé, c'est ça que j'ai dit? Tu as dit entre le déluge et Noé. Excusez, entre la Genèse et Noé, 1600 ans. Hein, de la Genèse. Et, oui. Et Noé, il y a 500 ans. 1600. 1600, puis Moïse, lui. En 1500, puis 2000. Donc, il y a eu 400 ans d'Égypte, puis on ajoute. Moïse était après du 400 ans. Okay. À peu près, je sais à peu près, je n'ai pas de chiffre précis. Mais dans l'espace de 1600 ans, on part d'un couple parfait à une nation, un peuple détruit, qui fait juste le mal, qui fait juste le péché, qui rejette Dieu. Dieu dit, tous les hommes, toutes leurs pensées ne sont poussées seulement au mal. Ça fait juste 500 ans. Nous, on a 6 ans de passé. Juste 500 ans. Si Dieu n'avait pas fait trouver grâce, si Noé n'avait pas trouvé grâce devant Dieu, c'était la fin du monde. C'était la fin du monde. Dieu dit, je vois dans l'être humain aucune chose bonne. Tu vois, je peux. C'est pas qu'il dit, je vais retirer de l'homme ce que j'avais mis en lui. Je t'avais mis quelque chose de spécial en toi. Tu as tout brisé, tu as tout fracassé. Et c'est pour ça que dans le chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, qu'on va voir ensemble, on va voir la mort agir. Parce que quand on retourne au chapitre 3, l'homme et la femme meurent. Mais on va la voir dans le quotidien, cette mort-là s'installer. Les gens vont s'entretuer, la polygamie va commencer, on s'entretue, on commence à faire le mal, on commence à la débauche s'installe. La mort est entrée dans le monde. Et dans l'espace de 1600 ans, Dieu dit, il n'y a plus personne de bon sur la terre. Personne, il n'y a plus un qui a une bonne pensée. Tout le monde a quitté la voie que je lui avais donnée de suivre. Tout le monde. Moi, je parlais de ça avec Richard, c'est vrai, Richard, faut pas. Tu t'imagines pas, il doit y avoir des papas encore, puis des mamans qui nourrissaient leurs enfants. Hein? Mais certainement encore des mamans qui allaitaient leurs enfants. Hein? Il y avait encore des hommes qui travaillaient pour nourrir leur famille. Pourtant, il dit qu'il n'y avait plus personne qui n'avait aucune bonne pensée. Ça veut pas dire qu'il était tout avec des épées en train de se tuer, puis en train de courir avec des flèches dans la cuisine. Puis avait... Non, c'est qu'il avait tout abandonné la raison d'être pour laquelle il était là. La raison d'être, c'était moi, puis je ne suis plus là. Je ne suis plus dans leur vie. J'ai plus d'importance pour eux autres. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre cette chimie que Dieu va installer entre ces deux êtres-là, l'homme et la femme. C'est sûr que l'apôtre Paul va parler, quand il va parler de l'Église, il va parler de la femme et de Jésus-Christ. Donc, il va parler de l'homme et de la femme. Il va faire un lien, il va utiliser l'homme et la femme comme relation entre Dieu et entre Jésus et l'Église. La même idée, la même chimie, la même unité qui va se faire, qui est là pour la gloire de Dieu. Donc, je crois que l'idée ici, elle est comme le... Et là, je me suis dit, les Hébreux ou les Juifs qui reçoivent le texte, qu'est-ce qu'ils pensent eux autres? Qu'est-ce qu'ils voient là-dedans? Qu'est-ce qu'ils voient dans ce Dieu-là? Ce Dieu-là qui les a fait sortir du pays d'Égypte avait une intention, un désir. Je vous l'ai dit un peu la dernière fois. Dieu a tout créé ça juste pour avoir une relation avec les êtres humains. C'est la seule chose que Dieu veut. Tu penses à ça, tu te dis, non, hein? Aïe, aïe. Tu sais, quand je dis mon temps avec le Seigneur, c'est quelque chose de pas mal spécial. Quand je dis j'ai un temps avec le Seigneur, ouais, c'est pas ça que tu as été créé, mon chum. Tu sais, j'ai été créé pour être avec Dieu. Comment ça va se faire, c'est pas moins important, mais je comprends, je sais, j'accepte, j'ai été créé pour être en relation avec Dieu. C'est pour ça que j'ai été créé. Et donc, c'est pour ça que on peut voir à quel point, quand on regarde le monde dans lequel on vit, à quel point on est dégénéré. Parce que l'être humain, c'est la dernière chose qu'il veut avoir, c'est une relation avec un Créateur. Il va y avoir par toutes sortes d'affaires, toutes sortes de choses qui vont courir après, toutes sortes de projets. Mais on est tellement loin que je me suis posé la question, on est-tu encore rendu comme au temps de Noé? Est-ce qu'on est rendu là pour que Dieu... Parce que Dieu dit dans Pierre, hein, le jour vient, on va être encore comme au temps de Noé. Dieu va détruire le monde. Il dit, combien de temps reste-t-il enfin, pour que ça soit rendu là? Mais le temps où le monde, toutes les pensées de tous les êtres humains ne sont que péchés. Ne sont que péchés. Donc c'est pour ça que l'idée de voir, de juste réfléchir avec ça, de penser, de méditer, puis les Juifs qui étaient là, puis eux autres, avaient leur façon de vivre dans le désert, si vous allez lire Exode, vous allez lire Nombre, vous allez voir, leur priorité, c'était pas une relation avec Dieu. Mm. C'était pas ça, là. Donc, Dieu dit, hey, Israël, je t'ai conçu, je t'ai mis en place pour avoir une relation avec toi, puis toi, t'es préoccupé par un paquet d'autres affaires, c'est pas moi. Je suis pas ta raison de vivre, moi. Là. Donc, fais attention comment tu agis, parce que je t'ai créé pour une raison. Tu sais, comme on veut avoir, les êtres humains, on cherche tellement le bonheur, la paix, la joie. Tout ça découle d'une relation avec Dieu. Tout ça découle de... Nous, on a cherché la joie, le bonheur, la paix dans le monde. C'est ça que la Bible nous dit, vous avez adoré la créature au lieu du Créateur. Vous avez été chercher dans la création ce que moi, je voulais vous donner. C'est juste moi qui peux vous donner. Nous autres, vous avez pris les choses pour avoir la paix, la joie, le bonheur. Moi, c'est pas ça. C'est moi la source de tout ça. Et vous m'avez échangé. Vous m'avez échangé pour les choses. Au lieu d'avoir gardé moi comme source de bonheur, de paix, de justice, peu importe comment on les nommerait. Donc, le Seigneur nous donne la grâce de juste réajuster nos horloges, réajuster nos autres. La chose la plus importante que Dieu voulait, là, c'est que j'ai une relation avec lui. C'est ça qu'il voulait. J'ai une relation avec lui. Comment je vais la faire, comment je vais la développer, comment je vais la mettre en pratique, ça peut être différent pour chacun de nous, mais chacun de nous, on a été créé pour ça. Fait que tout le monde qui est une créature humaine a été créé pour avoir une relation avec Dieu. Mm-hmm. Donc, c'est sans exception. Donc, maintenant, le péché va rentrer la semaine prochaine et ça va briser tout ça. Ça va briser tout ça. Ça va briser la relation entre l'homme et la femme, et ça va briser la relation avec Dieu. C'est le chaos qui va commencer. Tout aussitôt qu'ils vont mettre une bouchée dans la bouche. Il dit, aussitôt leurs yeux s'ouvrirent, ils ont su qu'ils avaient fait la gaffe. Donc, ils ont su qu'ils avaient fait la gaffe. Ils ont réalisé que ce que Dieu avait dit était vrai. La mort était rentrée. Notre bon Père du ciel, quelle vérité nous voyons aujourd'hui encore une fois. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as préparé, tout ce que tu as créé. Et quand tu as créé l'homme, tu as dit, je vais mettre en toi un souffle de vie. Je vais pouvoir maintenant avoir une relation avec toi, je vais pouvoir communiquer avec toi, je vais pouvoir parler avec toi. Tu vas pouvoir parler avec moi. Et on va avoir une relation. Et Seigneur, donne-nous de bien saisir cela pour chacun de nous, dans nos vies personnelles, ma relation avec toi. Comment je peux la pousser plus loin, comment je peux la développer, comment je peux la stimuler, comment est-ce que je peux faire pour être en relation avec toi. Tout en étant conscient qu'on est encore des pécheurs, tout en étant conscient qu'on est encore dans la chair. Mais il y a le désir dans l'être humain d'être en relation avec le Créateur. Donc, peux-tu, Seigneur Dieu, par ton Esprit Saint, appliquer cela dans chacune de nos vies. Amen. Amen. Gaëtan. Merci François, encore une fois. Merci de nous faire voir à travers les Écritures quel grand Dieu nous avons. Mm-hmm. C'est Céline, elle disait dans, je pense, un article de l'Évangile du matin, en tout cas, peu importe, elle a lu une phrase qu'elle m'a partagée, puis je trouvais ça bien. Ça disait, le repas du Seigneur, ce n'est pas un rituel que nous observons, c'est une bénédiction que nous recevons. Je trouvais ça vraiment vous allez être sans doute d'accord avec moi que la vie, elle nous amène souvent des choses qui ne sont pas nécessairement faciles à vivre. Ça peut être au niveau familial, au niveau conjugal, au niveau même amical, avec les amis, des fois il y a des situations qui se produisent, c'est pas nécessairement facile à vivre. Mais c'est toutes sortes de situations qui se produisent dans nos vies. Puis cette semaine, je méditais un peu sur ça, puis ça m'a fait voir que pour nous, ce que nous vivons, c'est juste de la part de Dieu. Sa sentence est juste parce qu'en Adam, on l'a rejeté. On aimait mieux croire Satan que de croire lui. Que des fois, ce que nous vivons, c'est une juste sentence de Dieu. Puis ça m'a ramené à Jésus. Quand je pensais à lui, le seul juste qui a mis les pieds sur cette terre, lui, il a connu la colère de Dieu à la croix, à notre place. Il n'avait jamais péché, il n'avait jamais ouvert la bouche. Il a subi la colère de Dieu. Il y a un verset dans Jean 19. Ça va, je la connais, c'est pas la terre. Que je trouve quand même bien, parce que là, on parle, on va prendre le repas du Seigneur, on va se rappeler les derniers moments que Jésus a passés sur cette terre. Puis, ça me dit que lui, il savait tout ce qui était pour y arriver, puis qu'il était conscient de ça, puis c'est ce qu'il voulait. Puis ça m'a ramené à Jean 19. Je voulais vous dire, mais ça va être plus simple si je vous le dis comme ça, ça va être plus sûr. À partir du verset 9, il rentra dans le prétoire, il dit à Jésus, ça c'est Pilate, il dit, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Puis là, tu dis alors, à moi, tu ne parles pas. Mais sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Puis Jésus, il s'adresse. Puis je pense que c'est bon, hein? Prenant le repas du Seigneur de s'appeler toutes ces choses. Prenons ça. François, tu fais un petit peu ces éléments avec moi. Rappelons-nous que la dernière nuit qu'il a passé avec ses disciples, il a pris le pain, il l'a rompu, il leur dit, prenez et mangez, si c'est mon corps livré pour vous. Mangez. Même à la fin du repas, il prit la coupe, la partagea avec ses disciples en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Buvons cette coupe, buvez-la en mémoire de moi. François, veux-tu terminer par un mot de prière? Seigneur, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu la création d'un monde parfait. Un Dieu parfait, un monde parfait, un homme parfait, une femme parfaite. Tout était parfait. On n'a pas médité sur le dernier verset. Tous deux étaient nus, ils n'avaient point de honte. C'était parfait. Et on regarde à la croix, en ce moment, on sait qu'il s'est passé de quoi. C'est passé de quoi pour que tu sois obligé de t'incarner et venir mourir. C'est passé de quoi dans cette création que tu as fait. Est arrivé quelque chose de catastrophique pour que tu sois obligé de t'incarner et venir mourir. On sait, Seigneur, c'était ton plan. Et ton plan est parfait. Et ton plan se révèle à nous. Ô Seigneur notre Dieu, fais qu'on puisse comprendre que la mort de Christ à la croix, toutes ces souffrances qu'il a subies, tout ce sang qui a été versé, c'était pour rendre possible à nouveau une relation avec Dieu. C'était ça le but. C'était pas de nous envoyer au ciel, c'était qu'on puisse à nouveau être dans la présence de Dieu et avoir une relation avec Dieu, avoir une intimité avec Dieu. On a besoin de nous de comprendre ça, de nous aussi d'anticiper ça. Parce que le jour vient où cette relation-là, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, dans ta présence, ça va être parfait. Encore, tu te ramènes plus que parfait. Nous allons goûter finalement, ça veut dire quoi avoir une relation parfaite avec Dieu. Sans aucun obstacle, sans aucun péché, sans aucun arrière-pensée. Seigneur, on te demande que tu puisses nous aider à être fiers en tant qu'enfants de Dieu, d'être fiers comment tu as établi le monde, comment tu as créé le monde. On soit fiers de le dire à ceux qui nous entourent. Voici comment Dieu a créé l'homme, comment Dieu a créé la femme, que ça en est les résultats. Qu'on ne se cache pas, mais qu'on voit vraiment heureux de dire, c'est comme ça que notre Dieu a créé le monde. Et si ça va mal, c'est notre faute. C'est pas la faute des autres. Puisses-tu être béni éternellement, Seigneur, de tout ce que tu nous montres dans les Écritures. Et on t'en rend grâce. Amen.